Francis Lalanne sur Active France avec son souvenir, grand souvenir, c'était Reste avec moi. Ne bougez pas, la suite avec Cœur de pirate ou encore Nicolas Perrac, les années 80. C'est tout de suite sur Maxi France. Bon après-midi, bon dimanche après-midi.